Daniel, que moi je te poserais les questions, puis toi tu répondrais. Ceux qui enregistrent, ils m'ont dit fais pas ça, les cassettes ne vendront pas. Fait que c'est pas moi. Bien, ils vont se vendre. J'en prendrais peut-être un dur coup. Je suis pas assez d'égo pour ça, remarque bien. Il fait pas pipi, là. Ça ressemble à ça, hein? Je me suis amélioré, mais... Attaquons! Je suis le producteur du journal Communication. À plusieurs reprises, nous avons des difficultés bizarres et parfois inexplicables lors de l'impression. C'est explicable. C'est la seule fois que ces machines ne marchent pas. Il nous faut le double du temps requis. Pourquoi? Je ne crois pas à des interventions directes de l'astral ou de l'intelligence. On va répondre, c'est dû à des forces astrales. OK? Pourquoi ne serait-ce pas dû à des forces intelligentes? Quant à mon pressier, il dit à chaque fois ta crise de job. le job est dedans. Ta crise de job, le diable est dedans. Bon. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce soit l'intelligence ou pas, il y a de l'intelligence à ce que ça lui arrive, pour la simple raison que tant que l'humain a trop d'ego pour comprendre qu'effectivement, il y a des forces qui peuvent manipuler les choses, c'est bon que ces forces-là manipulent les choses. C'est beaucoup préférable que la force manipule son outillage que son corps physique, comme ça va être le cas chez certaines personnes. Moi, lorsque j'étais jeune, j'avais une automobile assez intéressante qui ne prenait presque pas d'huile, même si elle avait 160 000 miles de fait. Et quand, du moment que je l'ai vendue, le gars, il l'a acheté, j'ai vendu 50 piastres, ça remarque bien, mais il y en avait eu 50 piastres, elle tombait en panne tout de suite là. Bon. Et moi, j'ai marché avec, et quand je prenais quelqu'un avec qui je voulais travailler, si l'auto se mettait à claquer, pas cogner, avait de la misère à avancer, je savais que la personne ne fallait pas que je travaille avec. Du moment qu'elle sortait, c'était correct. À un moment donné, je suis allé pour dans une direction dans le nord, et puis chaque fois qu'on allait dans cette direction-là, le char avait de la misère à monter les côtes. Fait que là, avant de tomber en panne trop loin de la maison, on revenait. Il y a autant de côtes, on revenait, mais là, ça marchait. Alors là, ça va bien, fait qu'on retourne, ça marche plus. Puis on revient. Puis après la troisième fois, ben là, j'ai dû laisser faire, on s'en retourne. C'est des phénomènes qui sont très intéressants, c'est que, bon, est-ce que c'est les forces astrales, est-ce que c'est les forces intelligentes qui manipulent l'humain? C'est souvent l'humain qui manipule lui-même les choses par conditions télékinésiques, psychokinésiques. C'est-à-dire que c'est l'humain lui-même qui interfère dans la matière parce qu'il a quelque chose à exprimer. Je vais faire une conférence prochainement, c'est le décodons la maladie ou le décodage des maladies. De quelle façon l'humain, parce qu'il n'a pas la parole juste, parce que l'humain n'a pas la conscience d'avoir enligné dans sa tête une verbalisation de cette conscientisation, va l'exprimer dans son automobile ou dans certains appareils avec lesquels il va travailler ou vivre, et bien souvent dans son corps physique. Chaque fois qu'on a une cochonnerie dans ce genre ici, il y a une raison logique. Et il y a un processus de correspondance qui permet l'expression d'une conscientisation d'intelligence ou des forces astrales dans la matière ou dans la biologie. Alors, il faut simplement qu'il regarde dans quel ordre les machines ont des problèmes, quelles machines ont des problèmes, pour après ça faire une étude chez lui. Qu'est-ce qui peut, par correspondance, en parallèle, faire penser à cela? Et la personne, le précis, évidemment, est assujetti à ce bonhomme-là. Lorsqu'on va revenir, de toute façon, au niveau de cette conférence que je vais faire prochainement sur le décodage des maladies, on va en même temps parler de l'automobile, parce que je connais des personnes qui s'achètent un automobile, et lorsqu'ils allument leurs essuie vite, eh bien, ça essuie à côté, ça ne marche plus. Ça gratte la vitre, il y a un remède d'eau dedans, ça ne marche pas, le moteur reste en panne. Et ça fait trois automobiles qu'ils ont et ça marche une semaine ou deux, les essuie vite et pour ça, ça ne marche plus. Et puis quand j'essaie de lui expliquer que c'est une personne qui refuse de vouloir voir en avant. dans sa vie? Il m'astine que non. Et puis par la suite, on peut, après avoir jasé, discuté, on peut constater qu'effectivement, il y a des choses qu'elle se refuse de voir. C'est-à-dire que souvent, elle pose des questions, elle connaît la réponse, mais elle ne veut pas la connaître. Est-ce que tu voudrais dire que lorsque mon auto va mal, qu'il y a besoin d'une mise au point, j'ai besoin d'une mise au point? Exactement. C'est bien évident que si les bougies sont finies, c'est l'automobile qui a besoin de mise au point. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on doit, il est très important, arriver à discerner. Mais si la personne ici, elle me dit, une fois par mois, mes presses vont mal, ben, nettoyez-les. C'est important de voir la nuance. Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'à peu près, ou chaque fois que j'imprime le mot du journal de communication du centre, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est autre chose. Tu peux dire à une personne, tu me fais passer une page de ce journal, puis une page d'une autre chose. Puis tu verras, il y a des chances que la page de l'autre chose marche, puis la page du journal ne marche pas. Et ce sont des choses qui arrivent, et on va y revenir lors de cette conférence sur le décodage. Que représente la sculpture sur cette table d'acrylique? Première question. Ça représente une sculpture sur une table d'acrylique. Quelle va être l'étape suivante où l'homme aura passé pas assez de temps à être son seul maître? La grimace, t'as-tu compris? Quelle va être l'étape suivante où l'homme aura pas assez de temps? Original. Bon. L'étape suivante au niveau de des religions ou de ces dieux, c'est que l'humain va finalement engendrer... Bon. Il y a, et c'est un processus qui s'enclenche lentement, il y a eu l'involution de l'humanité, et quand l'être humain est arrivé au plus bas du bas-fond, et on est en train d'être dans le plus bas du bas-fond au niveau matériel, mais ça s'est fait plus rapidement au niveau vital, ça s'est fait plus rapidement au niveau astral, ça s'est fait plus rapidement au niveau mental, et ça s'est fait plus rapidement au niveau supramental. Lorsque dans la matière, on arrive dans le bas du bas, le terme hindou, c'est Kali Yuga, l'âge du mal, on est dans l'âge de fer, le Kali Yuga, dans l'âge de fer de l'âge de fer. Tous les processus qu'on a vécus dans la descente, on va les revivre dans la remontée. Et présentement, l'être humain est un être ascendant, il n'est plus un être descendant. Ce que sont encore les énergies cosmiques ou les énergies créationnelles, ce sont des phénomènes descendants. L'homme est un être ascendant, il accumule maintenant au lieu de perdre. Alors nécessairement, on avait... à une certaine époque, une conscience suffisamment individualisée où chacun était capable d'entrer en contact avec son propre esprit, donc son propre Dieu, sans l'appeler Dieu, il savait que c'était lui. Et à travers cela, lentement, il y a eu des archétypes qui ont été formés, l'humain a oublié ce qu'il était, et on a engendré, il y a eu de ces plusieurs divinités individuelles, chacun avait son tabou, chacun avait son propre nom de divin, chacun avait sa propre force à l'époque, et là on remonte à un âge très reculé, et un âge lémurien, et par la suite la Lémurie a engendré le phénomène atlantéen, qui a engendré le phénomène européen, et c'est à partir de cette époque, là 30 millions d'années, approximativement, que le phénomène de la race blanche commence. Lorsque l'être humain vit cette décadence de cette pluralité individuelle au niveau de la conscience divine ou conscience supramentale, il y a eu une fusion de ces identités personnalisées et seules pour former des groupuscules un peu plus gros. Cela a engendré le culte de ces différentes divinités. Cela a été évidemment énergisé par le culte des ancêtres, le culte des morts. Lorsque nous allons vivre cette perpétuelle descente jusqu'à la phase d'ascension, toutes les pluralisations vont être rapprochées pour créer des dieux plus grands. Jusqu'au jour où on essaiera de créer le monothéisme, c'est-à-dire la seule divinité. Et encore une fois, l'être humain étant relié à différents faisceaux. Le Nazaréen avait son propre faisceau et il a ramené avec lui les personnes qui ont vécu de ce faisceau lorsqu'il est passé. Lazare a aussi un autre faisceau, et il reste 12 faisceaux répartis sur 5 milliards quelques millions d'humains. Lorsque l'humain recommence son évolution ascendante, il va recommencer à recréer des polythéismes, c'est-à-dire qu'il va réengendrer, donc il refait à l'inverse ce qui s'est passé, et des monothéismes, on va vivre la dilapidation de ces monothéismes, c'est-à-dire que chaque être humain va récolter ce qui lui appartient et qu'il a donné pendant la descente, il va le récolter maintenant, ce qui engendre les différentes religions, les différentes sectes, les différents dieux. Et nécessairement, ce qui va affaiblir l'égrégore principal, permettant à l'humain de devenir de plus en plus individuel dans sa conscience. Il est inévitable que l'individualisation dans la conscience de l'homme va se faire collectivement dans le début, c'est-à-dire que de 3 millions de fidèles, on va se scinder en peut-être 3 corpuscules d'un million. Mais il y a une individualisation en cours. Le million va se sectariser et on aura 1000 fidèles là, 800 là-bas, 200 000 là et puis 500 000 et il restera le reste. Et au fur et à mesure que le sectarisme apparaît, l'humain revit cette dilapidation, c'est-à-dire qu'il revit à l'inverse ce qui a créé le monde de la mort et nécessairement le monde des égrégores, le monde des divinités, le monde des dieux, le ciel. Et lorsque l'humain vit cela, au fur et à mesure de ce vécu, se conscientisant, il posera toujours des questions qui lui seront propres et qui ne pourront être répondues que par sa propre conscience, donc des questions qui échapperont toujours au niveau de la solution ou de la réponse aux égrégores sectaires ou religieux dans lesquels il fera partie. Cela va engendrer, évidemment, la dissolution, encore une fois, la mortification de ces sectes, et l'être humain se regroupera dans des clans ou des groupes de plus en plus petits, ce qui créera un problème planétaire, c'est-à-dire que l'humain voudra être individuel et refusera le travail collectif, ce qui engendrera une récession ou une décadence au niveau de la matière pendant un laps de temps. Tant que l'humain n'aura pas fini cette transition, il comprendra que dans la conscience, on doit être individuel, mais dans le travail, il est intelligent d'être collectif parce que ça divise les efforts en multipliant les résultats. Lorsque l'humain va vivre cette phase d'individualisation, il va refuser les maîtres, il va refuser certains livres, il va lentement se conscientiser et se concentrer dans des formes pensées, dans des traditions de plus en plus restreintes ou dans des sectes. Jusqu'au jour où l'humain partira tout seul, en maudissant tout ce qui se passe, parce que finalement, ça n'aura jamais répondu à ses attentes, attentes qui seront de plus en plus conscientisées, donc de plus en plus questionnisées, placées sous forme de questions. Et l'humain engendrera la phase ultime du phénomène des religions. L'humain, individuellement, à son insu, certains le sauront, engendrera une religion mentale. La religion mentale, c'est la seule religion qui permettra aux fidèles de se libérer d'elle. Toutes les religions émotives et théologiques à date sur cette planète sont des religions qui interdisent carrément aux fidèles ou aux disciples de se libérer d'elle. La religion est une technique qui permet à l'homme de se relier à l'esprit. Sauf qu'une technique qui ne permet pas à l'humain de se passer de la technique esclavagit l'homme à la technique. Donc, la solution appartient à la technique et non pas à l'homme. La religion mentale qui va naître chez l'humain, lorsque l'ajusteur de pensée, lorsque le plan mental de l'homme relié à son intelligence, sera capable d'instruire lui-même son ego. Il créera pour l'ego les concepts, les archétypes, les croyances et les foi qui seront nécessaires à l'ego de façon à permettre l'évolution descendante de l'ego pour engendrer le double éthérique, ce qui sera la finalité anégoïsante de l'homme et ce qui permettra à l'humain de ne plus vivre la mort. Donc, ce qui permettra à l'homme de ne plus gagner le monde de la mort à la dissolution de son corps physique. Donc, ce qui permettra à l'homme de devenir ce que l'antique tradition appelle l'immortel, alors que finalement, on n'a jamais été mortel, on a toujours été changeant. Lorsque l'être humain va devenir immortel, plus ajusté dans une parole juste, lorsque l'être humain va devenir stable, lorsque l'homme ne changera plus, parce que l'homme, il est déjà immortel, la vie, le bonhomme préhistorique qui a fait cossin-cossin avec la bonne femme préhistorique et qui a engendré finalement les lignées familiales qui ont engendré la mienne et qui m'ont engendré, eh bien, c'est la vie de ces cellules-là que j'ai présentement chez moi. La vie est immortelle. Et la conscience de l'homme, c'est la même chose. On se rappelle encore de Napoléon et de tous les autres qui sont passés avant lui. On se rappelle des premiers patriarches. On se rappelle même chez certaines personnes de l'Atlantide, de la Lémurie, de l'Hyperborée, de la Terre blanche. Et certains se rappellent même d'un peu avant. Alors, la religion mentale va être l'étape qui va suivre où chaque individu pourra bâtir lui-même les propres préceptes de sa propre religion et où il pourra retrouver et nommer des réservoirs d'énergie avec lesquels il pourra travailler, de façon à pouvoir maintenant se servir des trésors qu'il placera lui-même dans le ciel, et de façon aussi à pouvoir réaligner sa propre évolution en fonctionnant à partir de ses propres constatations, constatations qui proviendront de ses cinq sens nourrissant son côté cartésien, et constatations qui proviendront de ses 27 sens vitaux qui pourront nourrir le côté émotif et intuitif de l'homme. La religion mentale va être l'instruction massive, va être le « je suis mon seul maître » total, et elle va être l'explication et l'instruction massive du plan ou du point de vue supramental, donc du point de vue de l'Esprit-Saint, à l'intérieur de l'âme, l'âme qui est une vraie peste pour l'esprit, parce que l'âme se croit à l'esprit. Et lorsque la religion mentale habitera l'humain, et ça, ce sera après certaines cataclysmes, parce que l'humain n'abandonnera pas les vieilles formes tant que celles-ci n'auront pas été brûlées. Et le feu, l'électricité, la radiation brûlent les formes mémorielles astrales. Et là, elle attaque aussi le code vital, génétique, donc elle peut aussi brûler les mémoires physiques en engendrant des mutations génétiques qui, si l'humain n'est pas suffisamment prêt, peuvent être relativement pervertives. Alors, lorsque l'humain se libère maintenant de cette religion émotive, il engendre la religion mentale, ce qui va lui permettre ou qui va permettre à son ego de marcher sur de nouvelles béquilles. En réalité, ce ne seront pas des béquilles. La religion émotive, c'est des béquilles. La religion mentale, c'est une chaise roulante. Et ça remousse pas plus vite. On peut se déplacer beaucoup plus vite en chaise roulante qu'en béquille. Et puis on risque moins de se casser la gueule en béquille, en chaise roulante qu'en béquille. Alors, la religion mentale sera une chaise roulante. Et l'ajusteur de pensée, puis l'humain va se conscientiser, puis il va mettre la batterie après la chaise roulante. Et puis à un moment donné, il va se rendre compte qu'il peut marcher sans chaise roulante. Bon. Ça prend bien du temps à l'humain de se rendre compte. Hein. Il y a du monde qui sont guéris, puis ils prennent encore le médicament, puis ils vont encore voir leur médecin. Et j'ai un ami, moi, qui s'occupe, ben, il s'occupait, parce que ça l'a... À un moment donné, il fallait qu'il prenne du Tristat au bout de chair, tellement ça puait au nez, ça le bouchait complètement, il ne pouvait plus respirer. Alors, il avait des personnes qui passaient là, des personnes qui vivaient d'accidents de travail, et puis il était spécialisé dans la récupération au niveau des accidents de travail, et puis il s'est rendu compte que 90% des accidents de travail ne veulent absolument pas guérir. Il y en a qui le sont, mais ils sont convaincus que non. Il y a encore des douleurs. Ils n'ont pas de douleur, ils se prennent des médicaments, ils sont contents, mais tant qu'ils n'ont pas à aller travailler. Alors l'humain, c'est un peu la même chose, il ne veut pas briser ses vieilles formes, et ça lui prend un laps de temps intéressant, il aime être malade, parce que qui ici dans la société, ou qui sur la planète Terre, n'aime pas avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un à qui prier, quelqu'un à qui demander le solutionnement. Vous avez un problème mécanique et le mécanicien passe, là, vous faites partie du CAA, et puis il vient, puis là, il survolte votre batterie, bien non, il tripote un peu 3-4 cossins, il lance 2-3 morceaux dans le banc de neige. L'auto part. Combien heureux on est d'être dans de si bonnes mains. Et ça, ça l'aide à médiocriser l'humain. Et c'est très dangereux. Et tu es malade, tu as tel problème, tu vas voir un médecin, puis tu es guéri. Puis maudit qu'on se sent. On en parle-tu de ce Dieu, de ce médecin-là? Assez que le moindrement qu'on a un problème, on se garoche vers lui. Et continuellement, on a ce genre de choses. Et c'est important de faire attention. Ce sont des outils. La religion mentale va libérer l'homme parce que la religion mentale, elle permet la libération de la technique, ce qui fait qu'un jour, l'homme sera relié. Étant relié, il ne sera plus spirituel, il ne sera plus religieux, il ne croira plus, il n'aura pas la foi parce qu'il saura. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit que le Nazaréen pleura avant de ramener à la vie Lazare. Pourquoi? Première question. Bon. Lazare est un grand ami du Nazaréen et c'est le seul personnage qui a accepté de vivre la descente aux enfers, c'est-à-dire la pénétration du monde de la mort avec le double éthérique, de façon à aller récupérer certaines choses et à engendrer une expérience dans le monde de la mort qui pourrait prouver par la suite que l'homme est autre chose qu'un être mortel, un vil serviteur. Lazare, par contre, n'avait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir retrouver son corps de chair, et le corps de chair était en train de mourir. Et d'ailleurs, il avait été embaumé, pas l'embaumeur qu'on connaît aujourd'hui, on mettait plein de stuff qui apparemment sent bon, puis on mettait plein de bandelettes, puis on mettait ça dans un tombeau. Bon. Et lorsque le Nazaréen est arrivé, premièrement, la première chose, c'est que lorsqu'on a dit au Nazaréen que Lazare, son ami, était malade, et qu'il était mourant. Le Nazaréen a répondu, il n'y a aucun problème, je vais aller le guérir. Et puis il s'est assis à une table et puis il a mangé et puis il a perdu quelques journées. Comme s'il voulait que Lazare meure. Et lorsqu'ils sont tous venus en broyant à lui dire que Lazare était mort, il leur a répondu, non, il dort. Parce qu'effectivement, il n'était pas mort. C'est-à-dire que le corps physique était mort, mais étant donné que Lazare avait un double éthérique, il vivait dans le plan moronciel, et de là, il ne pouvait pas gagner le monde de la mort, arrivant à une solution, c'est-à-dire la deuxième mort. On l'a expliqué suffisamment, on va y revenir aussi. Et il ne pouvait pas vivre cette deuxième mort, donc il n'était pas mort. Il dormait, c'était le mot qu'on pouvait employer à l'époque, parce que d'ailleurs, ils n'ont même pas compris. Alors, il ne fallait pas prendre d'autres mots en plus. Pourquoi il a pleuré? Il s'approche. Et le Nazaréen devait émettre suffisamment d'énergie vitale à l'extérieur de lui pour que le corps de Lazare recommence à vivre, de façon à ce que, étant vivifié par l'énergie éthérique planétaire, donc l'énergie vitale du Nazaréen, que le corps de Lazare recommence à se reconstituer, donc bloque sa digestion et retrouve sa vieille mémoire, ce qui fait que nécessairement les molécules et les atomes vont se replacer dans la mémoire qui maintenant est en train d'être réénergisée par le Nazaréen. Et nécessairement, il fallait pour cela que certaines cellules du corps de Lazare ne soient pas encore détruites. Et évidemment, la pourriture ne se fait pas complètement d'une claque comme ça. Et il y avait donc encore des mémoires bien protégées. Et lorsque ce corps a recommencé à être revivifié, Lazare du monde de la mort, même s'il était dans son dos éthérique, a pu retrouver la lumière du monde planétaire et il a pu revenir. Le Nazaréen a dû mettre énormément d'énergie vitale et il y a des choses que l'humain ne sait pas encore, certains savent, quelques rares, c'est que l'énergie supramentale est de l'énergie vitale, mais au-delà de l'énergie vitale extraterrestre, donc qui n'appartient pas à la planète Terre ou aux mémoires expérientielles du monde de la Terre, et il y a l'énergie supramentale terrestrifiée, l'énergie vitale, appelée disons étymologiquement encore souvent l'énergie éthérique, par correspondance à l'énergie supramentale. Les deux sont éthériques, l'une est supramentale, l'autre est vitale. L'énergie supramentale, lorsqu'elle est extrêmement densifiée dans certaines régions de notre monde, dans certains temps, elle transparaît sous forme de neige ou de larmes. Et lorsque le phénomène des larmes, c'est quelque chose qui est apparu souvent, c'est un phénomène plus ou moins ectoplasmique, c'est-à-dire qui fait référence à l'énergie vitale du corps, que certaines entités du monde de la mort vont se servir de temps en temps pour pouvoir créer une apparition. Lorsqu'une personne fait du spiritisme, le médium va évidemment être extrêmement épuisé après, parce que son corps vital, sa vitalité, la vie, va être donnée à l'entité qui veut le posséder, et ça va créer une forme ectoplasmique qui est un peu dégoulinante et qui est un peu baveuse. Bon, c'est pourquoi d'ailleurs, un grand ésotériste a dit que tous les fantômes étaient des morveux. Bon. Et lorsque le Nazaréen a dû mettre suffisamment d'énergie vitale pour non pas ressusciter un mort, mais reconstituer une mémoire corporelle en dégradation, ce qu'il n'avait pas fait encore. Ceux qui l'avaient ressuscité ne provenaient pas du tombeau, entouré de bandelettes et des gens en train de sentir. C'est un terme poli pour dire en train de pourrir, n'est-ce pas? Bon. Alors, il avait suffisamment d'énergie, et je dis de temps en temps qu'on arrive à la transpirer. On parle de pleurer parce que, à l'époque, on écrivait comme on pouvait écrire. Alors voilà pourquoi le Nazaréen a pleuré. Il n'a pas broyé. Et c'est très différent. Comme l'énergie placée dans les égrégores des dieux a été irrémédiablement perdue, existe-t-il une façon de placer de l'énergie dans le ciel qu'il nous est possible d'aller récupérer? Comment doit-on procéder? Bon, l'énergie dans le monde de la mort donnée aux dieux n'est pas irrémédiablement perdue. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura des humains suffisamment puissants pour ordonner à ces énergies-là de venir servir l'homme. Alors, il n'y a rien d'irrémédiablement perdu. C'est pourquoi le Nazaréen ainsi que d'autres avatars qui sont passés ont prescrit à l'homme de prier. Priant, premièrement, l'humain, le peuple s'assujettit les bonnes grâces d'un égrégore qui va s'arranger pour préserver un peu l'humain, de temps en temps lui donner de l'énergie, de façon à ce que l'humain de cet égrégore continue à le nourrir. C'était déjà un échange intelligent à faire entre une chose qu'on ne connaissait pas et nous-mêmes. Autre chose, en plaçant l'énergie dans le monde de la mort, étant donné que l'humain n'a jamais eu les clés convenables pour pouvoir se servir de cette énergie-là, et on en a parlé dans la conférence, la puissance du nom. Étant donné que l'humain n'a pas la clé pour se servir de l'énergie, on a rempli le monde de la mort pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de pouvoir enregistrer suffisamment de cataclysmes et de souffrances dans ce monde mémoriel pour obliger les hiérarchies cosmiques qui sont à la recherche de l'être humain pour se plugger à lui, pour obliger les hiérarchies lorsqu'il pénètre la planète Terre, pour les obliger à découvrir qu'ici, c'est pas ici qu'est l'être qui va être en contact un jour avec l'intelligence, parce que c'est juste des problèmes qu'il y a ici. Alors, j'en ai parlé dans l'intelligence de la souffrance. Lorsque l'homme place ces choses dans le monde de la mort, il engendre donc cette mémoire tampon qui permet aux hiérarchies d'être illusionnées de notre involution massive. Et deuxièmement, lorsque ces énergies sont placées là, elles permettent un jour... Une chose intéressante, c'est que les forces d'intelligence manipulent toujours les forces astrales de façon à ce que ceux-ci viennent prescrire des prophéties dans le règne de l'homme. Les prophéties servent à une seule chose, disons deux choses. La première partie de la prophétie sert exclusivement à obliger l'humain à la fuir. Et c'est pourquoi on aura souvent des faux prophètes annonciateurs de paix. Ils obligent l'humain à fuir la prophétie. Nécessairement, cette prophétie ne se réalisera pas parce que le prophète le dit. Et l'humain, évidemment, va maudire ce prophète. Il y a les prophètes, donc d'apothéose, les faux prophètes de bonheur. Et il y a le prophète qui vient amener une prophétie exclusivement pour qu'un jour, lorsqu'un être sera en contact avec un phénomène supramental et qu'il devra faire un travail qui apparemment n'est pas supportable par la condition émotivo-psychologique de l'humain dans la société dans laquelle il vit, pour que cet humain puisse se servir de la prophétie comme bouclier. Le Nazaréen il est né d'un peuple juif, mais il n'était pas le roi des Juifs dans le sens de la prophétie. Mais il s'est servi de la prophétie de façon à ce qu'on le laisse en paix. Et il y a beaucoup de prophéties de ce genre. On place dans le monde de la mort des prophéties. On place dans le monde de la mort le reste des énergies émotives de l'homme, ce qui engendre les forces sataniques, les forces arimaniennes, les forces belzébuthiennes, les forces lucifériennes. Et il y a une panoplie de ces divinités, encore une fois, disons, froides, involutives ou évoluantes. Il y en a une dizaine. Un jour, l'homme aura besoin d'énergie. Quand? Lorsque l'énergie vitale de la planète Terre sera à son niveau le plus bas. Présentement, l'humanité nord-planétaire est de plus en plus fatiguée. Elle est dans une société où on travaille moins qu'avant, où on peut avoir plus de vacances qu'avant. À l'époque des colons, il ne faut pas s'en faire, c'était du 8 jours sur 7, du lever du soleil aléatoire le soir. L'hiver, il fallait faire amasser provisions avant pour passer l'hiver. Il fallait entretenir les animaux. Aujourd'hui, le tracteur, quand tu t'en sers pas, tu le nourris pas. Le cheval, oui. Le bœuf, oui. Le tracteur, quand il est malade, c'est pas bien compliqué. Tu changes la bougie, tu changes un morceau. Quand le cheval ou le bœuf est malade, en plus, il peut rendre la famille malade, mais ça te prend le vétérinaire. Et etc., etc., etc. Tout ce phénomène est présentement de plus en plus évident, l'être humain polluant sa planète d'une façon monstrueuse, et c'est intéressant qu'il le fasse, parce qu'il doit obliger une mutation biologique, et il y a certains minéraux que l'humain ne ramassera jamais dedans son alimentation tellurique normale, et il la prend donc de sa pollution. Deuxièmement, il détruit la couche d'ozone parce que l'énergie supramentale est réfléchie par la couche d'ozone, ce qui permet au contexte polaire de pouvoir en bénéficier un peu plus, ce qui évidemment engendre l'initiation solaire, tant vantée, tant attendue, qui, lorsque le physique n'est pas prêt, se répercutera par les coups de soleil, les cancers cutanés, ces choses-là. Après certains phénomènes intéressants qui ont été annoncés par Michel de Nostradam, qui ont été annoncés par Jean 23, qui ont été annoncés par Lazare, Jean de Patmos, qui ont été annoncés par un paquet d'autres bonhommes, eh bien, il n'y aura plus assez d'énergie vitale. Il y aura des humains qui se serviront maintenant de ces énergies-là pour les descendre sur la planète Terre de façon à recréer des choses. Et alors, donc, comment on peut aller les chercher? Bien, présentement, ce n'est pas intéressant. Quand vous saurez comment aller les chercher, bien, c'est parce que ce sera le temps d'aller les chercher. Comment placer notre propre énergie dans un endroit dans un endroit propre que l'on pourra retrouver et se resservir? Pour cela, l'humain doit apprendre à faire une colère mentale. Pour cela, l'humain doit apprendre à avoir une parole juste. C'est-à-dire que l'humain qui a une parole fausse place toujours ses énergies n'importe où. Parole juste, c'est quoi? C'est premièrement avoir la faculté de dire ce que l'on veut dire, sans jamais s'attaquer, sans jamais parler contre soi-même. Et même si je le dis, ça paraît facile, mais c'est tellement bien structuré et orchestré le phénomène de la parole, que la majorité des humains, 100% de ceux que je vois ou que j'entends à la télévision, à la radio, ou que, avec qui je devais travailler, ont une parole fausse. Ils passent leur temps à se démolir. Alors nécessairement, ils vont passer leur temps à placer leurs énergies un peu partout. Ça ne se fait pas comme ça, parce que l'humain, c'est trop de choses qui lui nuisent. Alors, il doit apprendre plus de choses pour l'aider. Avoir un nom, c'est intéressant, ça permet de placer l'énergie à la bonne place. Mais quel nom? Le nom judéo-chrétien, le nom juif, le nom social qu'on vous a donné, c'est le nom de quelque chose chez vous. Le nom de vos forces d'involution, possiblement. L'humain doit découvrir chez lui la vibration qui veut avancer. Il devra la nommer. Et ce nom-là, il ne devra jamais le donner à personne, parce que chaque fois qu'on devra le prononcer, il devra être prononcé mentalement. Sinon, on va encore l'énergiser émotivement et le foutre dans le monde de la mort astrale. Et il y a différentes clés comme ça que l'humain doit apprendre. C'est simple. Mais pour l'humain qui est cartésien, l'humain qui est rationnel, ça devient compliqué. C'est pourquoi la première question est intéressante. On a un personnage qui peut être suffisamment cartésien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il prend un papier venant de ou devant communiquer certaines choses, ben ça ne marche pas. Il y a des personnes qui doivent aller quelque part et ça ne marche pas, l'auto ne veut pas démarrer. Ils ont juste à changer d'idée puis l'auto part. Alors ils disent « bon, mais là j'y vais, ça s'éteint ». Ça arrive plus fréquemment que l'on peut penser. Exactement comme votre réveil matin qui ne sonne pas. Exactement comme le système électronique, le tourne-disque, le ceci ou le cela, qui finalement bug, des problèmes. L'humain travaille, place de l'énergie un peu partout, ajuster sa parole, arriver à avoir un peu d'autorité mentale dans l'astral, se servir des mots, du verbe. Le verbe, ce n'est pas mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie. Pas ça le verbe. C'est autre chose. Pourquoi vous dites que Dieu est rien? Moi, je pense qu'il y a eu un commencement et qu'il a fait tout, le ciel et la terre. Qui? Bon. Pourquoi vous dites que Dieu est rien? Ben, parce que les dieux que l'humain prie, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas ce que l'humain pense que c'est. C'est énorme, c'est de l'énergie. C'est comme adorer une bombe nucléaire. C'est à peu près le même genre de phénomène. Ce qu'on veut de la planète des singes, là, ben c'est un peu à ce qu'on sent quand on adore des dieux. C'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie que l'on place dedans. On place de l'énergie là. On prend un bonhomme qu'on ne connaît pas, et puis le bonhomme, eh bien, on décide qu'on vote, tout le monde, on vote pour lui. Parti rhinocéros, par exemple. Quand les journalistes vont à un congrès du parti, bien, les gars, ils sont couchés sur le table et ils dorment. Bon. Et puis, à un moment donné, bien, par hasard, votant contre le PQ, votant contre les libéraux, votant contre le NPD, tout le monde vote rhinocéros. Et du jour au lendemain, le parti rhinocéros est élu. Mais les gars que personne ne respecte vont commencer à être respectés par... Évidemment, la dose d'énergie qu'ils vont avoir sur le dos-là, ils ne pourront peut-être pas l'absorber. Mais en admettant qu'ils l'absorbent et qu'ils décident de se prendre au sérieux dans le jeu, de le jouer sérieusement, eh bien, du jour au lendemain, ces petits êtres vont devenir des autorités pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va collectivement placer tellement d'énergie dedans. Mais c'est comme une bombe nucléaire. On peut la retirer, l'énergie, et il ne sera plus rien. C'est ce qui arrive avec les dieux. Sauf que là, on prend de l'énergie, on la donne au gouvernement, et après ça, on dit au gouvernement, « S'il vous plaît, aide-moi. » Les gouvernements, comme les religions, ont une seule fonction, entretenir les conditions qui nécessitent leur présence. C'est une loi des divinités qui sont du gouvernement céleste et du gouvernement temporel et du gouvernement terrestre. C'est la même chose, c'est la même loi. Entretenir les conditions qui nécessitent leur présence. Donc, un peuple ne peut pas attendre d'un gouvernement que le gouvernement change des choses pour lesquelles on l'a voté. Et vous pouvez constater qu'effectivement, ça ne marche pas. Le peuple change les choses à travers les gouvernements. Les gouvernements font des promesses et une fois placés là-bas, ils reçoivent des postes au niveau psychologique, au niveau astral, et ils n'accomplissent pas tout ce qu'ils disent. Ils entretiennent des situations pour prochaines élections, ils vont vous promettre les mêmes choses. Et on va voter pour. Il n'y a pas un gouvernement qui, de son vivant, va dépolluer. Ils vont tous dire, par contre, votez pour nous et nous dépolluerons. Et une fois au poste, ils vont faire 3 ou 4 petites dépollutions. Mais si c'est un gouvernement qui est vert, c'est-à-dire qui est écologique, manipulé par les conditions, par les lois terrestres de notre planète, eh bien, ils ne dépollueront pas. Ils vont entretenir les conditions nécessitant leur présence. Les lois divines, les gouvernements divins, c'est la même chose. C'est pourquoi l'homme doit finalement aller chercher ce qu'il a besoin. Alors, Dieu, ce n'est pas rien, c'est de l'énergie. Sauf que l'homme, ce n'est pas rien, mais l'homme, c'est l'intentionnaliseur. Pas les dieux du monde de la mort. Si on veut parler du créateur, le phénomène qui a engendré, qui a créé et qui a engendré par la création même la première action de laquelle découle la réaction de cet univers, c'est pourquoi j'appelle ça une création, je parle donc des phénomènes créationnels. Si on veut parler du phénomène qui a engendré cela, on ne peut pas le personnifier. Penser qu'il est comme nous parce que nous voyons l'homme, le personnifier, c'est quoi? C'est de penser que c'est un être qui a un plan, parce que l'homme a des plans. De penser que c'est un être qui a besoin d'aide, parce que l'homme a besoin d'aide. De penser que c'est un être qui aime dans le sens amour psychologique de l'homme, parce que l'homme est comme ça. De penser que c'est quelqu'un qui un jour a décidé de créer... Allons-y juste avec une logistique intéressante. Quelle était la foutue raison d'engendrer une création? Avec l'homme, puis le soleil, puis Mercure qui est vide, Vénus qui est vide, la Terre avec l'homme... Mars qui est vide, Jupiter qui est vide, Saturne qui est vide, Uranus, Neptune, Pluton, plus les autres. Ah, ben, il y a peut-être d'autres vies sur d'autres planètes. D'accord, mais à quoi servent celles qui n'ont rien dessus? À quoi servent les planètes de glace? À quoi servent les soleils qui naissent et qui disparaissent en entraînant dans la mort leur système solaire? À quoi servent les trous noirs qui dirigèrent carrément des systèmes ou même des parties de galaxies? Finalement, il s'ennuyait en sacrableux. Ça ne marche pas. On peut personnifier, penser que c'est comme l'homme. L'homme, tout ce que je peux dire pour l'instant, parce que déjà là, c'est déjà trop, l'homme est intentionnel. L'homme a été créé, ou l'homme s'est créé intentionnellement. Il a une fonction dans cette création. La création, elle, est accidentelle. Ça ne vaut pas la peine de rechercher plus loin. Ça fait partie des contextes non spatio-temporalisés, donc des contextes inexistentiels, mais présents. Des contextes pré-personnalisés, non personnalisés, qui sont en opposition aux contextes que nous vivons, qui sont personnalisés et super personnalisés. Des contextes inexistentiels, préexistentiels, en lutte au contexte existentiel, le nôtre, ou même super-existentiel. Les contextes non-expérientiels, donc instantanés, au contexte expérientiel, le nôtre, où on doit apprendre par l'expérience. Et l'homme essaie de comprendre, de créer une logistique. C'est d'ailleurs l'expression émotive de la perception universelle qui engendre la théologie et les cosmogonies. De comprendre à partir du point de vue de l'homme ce que pourrait être le point de vue du Créateur. Pourquoi aurais-je créé cette création? Ah, parce que Dieu voulut créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et étant donné que l'homme était imparfait, nécessairement, il faut qu'on comprenne que Dieu était parfait. On va dire non, l'homme était parfait comme Dieu était parfait. Et puis là, on va s'amuser à voir la décadence de l'homme, la chute de l'homme. Dieu est puissant, tout puissant. Lucifer Première fois que Lucifer vient sur la planète Terre, il fourre Dieu, puis il engendre la décadence de l'homme. Dieu tout-puissant. Amusons-nous. Et il y a Satan. Ah, oh, ça, c'est pour checker l'homme. Torius, on est parfait. Nécessairement, on gagne. Alors, pas besoin de Satan. Et il y a plusieurs choses. Tout ce que présentement l'humain doit supporter dans sa conscience, c'est que l'homme est intentionnel. Il a une fonction à jouer ici. Et parce que l'homme, dans la condition médiocre où il a été placé, lorsque l'énergie extrêmement brillante est venue se terrestrifier, se spatio-temporaliser, se densifier, geler ben raide, pour que l'énergie de l'homme ne détruise pas toute la matière qui était là, il fallait nécessairement qu'on n'en mette pas gros d'énergie. Et au fur et à mesure que la matière devient solide, il y en a un peu plus d'énergie, de plus en plus l'homme devient conscient. Parce que l'homme est impatient, mais nécessairement, l'homme préfère s'inventer ses propres réponses. Alors, qui a créé l'univers? Personne. Ce n'est pas une personne. Donc, c'est personne. Il ne peut pas être dessinable, il ne peut même pas, on ne peut même pas comprendre l'intentionnalité de la création parce qu'il n'y en a pas. L'intentionnalité de la gestation de l'homme, il y en a une. Et être le seul phénomène matériel qui pourrait être animé par de la lumière. On est la seule chose qui est de la matière et qui est capable de comprendre, de conscientiser. Dans la création, plusieurs choses, plusieurs phénomènes vivants savent. Seul l'homme sait qu'il sait. Nécessairement, il sait qu'il ne sait pas tout. Et la friction entre ces deux phénomènes engendre un processus d'ignorance qui va être l'imagination. Et l'imagination engendre les concepts, et lorsque nous croyons un concept, cela engendre des croyances. Et lorsque nous croyons d'une façon exagérée en un concept, cela engendre la foi. Et c'est bien, ça supporte l'homme, jusqu'au jour où l'homme se réveille. Se sentir coupable parce qu'à un moment donné, Dieu ne sera plus rien, Dieu est de l'énergie. On s'en vante régulièrement, mais maintenant, servons-nous ça. Un jour, l'homme fera la même chose que le Nazaréen. C'est le Nazaréen lui-même qui l'a dit. Il a même dit qu'un jour, l'homme fera plus. Mais à un moment donné, il fallait qu'on se déniaise. Pendant 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, l'humain a répété les paroles du Nazaréen. Et il y a une énorme différence que l'on découvre lorsqu'on devient un peu plus ajusté dans sa parole. C'est qu'il y a la possibilité de répéter. Il y a aussi la possibilité de prononcer. Je prononce toujours pour la première fois, même si l'autre pense que je répète. Je suis consciemment en train de dire une chose. Je ne répète pas. Et l'humain répète à un point tel qu'il n'est même plus conscient qu'il répète. Jésus s'est dit le Fils de Dieu. Pourquoi devait-il être le Fils de Dieu? Et de quel Dieu voulait-il parler? Son but était-il de faire des adeptes dans le sens que nous l'entendons? Le Nazaréen avait effectivement besoin d'énormes quantités d'énergie. Alors, il a créé le phénomène des apôtres, ses 12 principaux reliés aux 12 faisceaux d'énergie qui présentement descendent sur le plan planétaire, les 63 secondaires avec lesquels il a pu étirer un peu plus sa religion. Et il y a eu effectivement le phénomène judaïque, il devait mourir sur la croix pour pouvoir créer l'égrégore du martyr et en même temps libérer l'ego de l'enfant Jésus qui était manipulé par le phénomène christique, celui qui est la chose qui a christifié Jésus, ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et lorsque le Nazaréen a fait cela, il avait besoin de la puissance énergétique de l'humain de cette époque. Lorsqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, bien nécessairement la prophétie annonçait un Messie, un Fils de Dieu, un Sauveur. Alors, laissez servir de la prophétie, les termes de l'époque ont légèrement été altérés à travers les traductions. Et il a dit à l'homme qu'il était le Fils de Dieu. Pour la simple raison qu'à l'époque où il a dit cela, cela était une façon d'expliquer à l'humain de l'époque ce que l'humain pouvait comprendre, et en même temps, cela était vrai. Si on n'a pas relaté ça, mais lorsqu'on demandait au Nazaréen qui il était, il répondait, « Je suis Jehoshua ben Joseph, je suis Jésus, fils de Joseph. » un moment donné, vers l'âge de 13 ans, même ses parents lui posent la question et il répond qu'il doit maintenant s'occuper des choses de son père. Il découvre égoïquement, et là c'est l'enfant, c'est Jésus, ce n'est pas le Christ, c'est Jésus qui découvre qu'il est relié, plugué, en relation, en contact avec une énergie qui apparemment l'aurait intentionnellement engendrée. Alors il s'occupera des choses de son père. Et la correspondance, elle est logique, elle est bonne. Lentement, le père devient le fils. Et l'ego du Nazaréen est repoussé au fin fond des mémoires génétiques, l'ego de Jésus plutôt, pour laisser transparaître de plus en plus le phénomène christique qui va engendrer le Nazaréen. Jésus-Christ, c'est l'homme-Dieu. Le Christ, c'est l'énergie christique, ce qu'on peut appeler Dieu, mais Dieu a un point de vue du monde des cieux. Et Jésus, c'est l'enfant, l'humain. Lorsque le mélange est relativement fait, il y aura évidemment des guerres, il y aura des problèmes majeurs dans le corps, parce que l'ego de Jésus refuse le contact christique et finalement, il acceptera. Lorsqu'il va l'accepter, le Nazaréen maintenant est au monde, il pourra commencer à parler, il a l'âge de la parole, c'est-à-dire qu'il devra rencontrer Jean le Baptiste pour aller l'éliminer de son chemin. Maintenant que Jean aura préparé suffisamment le terrain, Jean ayant une grande gueule, Jean refusant, Jean devra disparaître et Jean disparaît. Le Nazaréen va donc vivre dans le corps de Jésus et il va devoir accomplir une chose pour lui, récupérer de son faisceau. C'est des choses sur lesquelles je reviens surtout en séminaire parce que, bon, c'est un peu complexe et c'est un peu grandiose à saisir. On n'aura pas le temps pour le reste de la conférence. Et vers la fin, lorsqu'il va sur la croix, le Nazaréen doit obliger son corps à mourir sur la croix. C'est intéressant de penser que les clous sont plantés dans les avant-bras, mais que le contact, le double éthérique entre en contact intimement avec le corps physique par les mains, les pieds, la tête et un des côtés. Et lorsque le Nazaréen, ceux qui ont des stigmates, c'est simplement parce que leur corps vital est en train de se dissocier du corps physique et les déchirures matérielles, les pertes de mémoire se font dans ces régions-là, alors que le Christ est crucifié ailleurs. Lorsque le Christ meurt sur la croix, il oblige nécessairement, il laisse une trace très impressionnante, il impressionne l'âme et le monde de la mort de l'époque, mais il doit faire mourir le corps biologiquement de façon à ce que l'intelligence christique le quitte. Et là, l'ego de Jésus revient. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est lui qui parlait du travail de son père. Et ça, c'est l'enfant Jésus qui maintenant va mourir là. Le Nazaréen a donc accompli ce qu'il devait accomplir. Ça s'est passé d'une façon très intéressante. À un moment donné, on pourra revenir. J'en parle un peu dans les conférences que le Christ n'a pas dit. Puis on en parle en séminaire. Il y a eu des cultes lunaires, déesses à caractéristiques animales et élémentales, planétaires, reliées à l'activité de la terre fertile. Il y a eu des cultes solaires, dieux à caractéristiques humaines, reliés à l'activité de la personnalité psychologique, archétype inconscient. Il y a eu transcendance des dieux, unification des dieux, ou la personnalité du Père Créateur, en la personnalité du Père Créateur. Il y a descendance de la personnalité, transcendance de la personnalité du Père Créateur dans la fusion avec l'identité, cristallisation mentale des cellules, programmation intelligente. Mal aux toilettes. Dans quelle mesure, l'homme, pour couper court, l'homme nouveau n'est pas un culte? Bon, ce qui est dit dedans ici est parfait. Le phénomène lunaire et solaire fait partie de la différenciation pré-luciférienne dans la gestation lémurienne de l'homme. Alors, on aura les cartésiens et les intuitifs, c'est-à-dire qu'on aura une partie qui, ésotériquement, pourra s'appeler les fils de la veuve. On aura une scission au niveau des deux hémisphères cérébraux chez l'humain, ce qui engendrera une évolution plutôt lunaire, disons voilée, occultée, et une évolution plus luciférienne, plus solaire, plus d'avant-garde. L'homme nouveau peut-il devenir un culte? C'est évident que l'homme nouveau peut devenir un culte chez les personnes qui recherchent encore des béquilles. Et ce n'est pas, disons, dommageable que l'homme nouveau devienne un culte. Plus il y aura d'humains qui vont cultiver ce culte sans en être, bref, plus il y aura d'humains qui vont se vanter d'être des hommes nouveaux et qui nécessairement vont faire le travail de l'homme ancien. Parce que l'homme nouveau se fout royalement d'être un homme nouveau, d'être un homme ancien, ça balance, ça n'a aucune importance pour lui. Ça n'a pas de valeur émotive ou psychologique. Mais plus il y aura d'humains qui se le penseront, plus ceux-là vont instruire le monde de la mort, donc placer de l'énergie là-dedans, qui servira effectivement à l'homme nouveau ou à la femme nouvelle ou à l'enfant nouveau, à son insu ou à son su, lorsqu'il en aura besoin. Que cela devienne un culte, il est inhérent et inévitable dans les masses, dans les collectivités, qu'une chose neuve ou qu'une chose qui apparemment semble expliquer les choses qu'on n'a pas comprises dans le passé ou qui semble amener du neuf sur le vieux devienne facilement un culte. C'est un problème majeur planétaire, mais c'est présentement une condition dirigée ou contrôlée par certaines forces astrales collectivisantes et on n'a pas présentement la possibilité d'empêcher cela. Même lorsqu'une personne dit qu'il n'est pas un dieu, chaque fois qu'il le répète, il christifie, il cristallise l'idée qu'il est un dieu dans le cœur ou dans la tête de certaines personnes. Alors, ce qui fait que finalement, l'humain d'instinct divinise ou cultive, engendre des cultes, même si ceux qui se font adorer ne le veulent pas. Et cela s'est vu régulièrement sur la planète. La dernière fois que cela s'est vu, c'est avec Krishnamurti, qui a abandonné l'école de l'étoile d'Orient, qui l'a dissoute, en disant aux gens que la réalité ne pouvait se trouver sous un toit, et que si chaque être humain devait devenir son propre guide. Il était attendu comme étant le retour du Christ, et il y a énormément de personnes qui ont dit « Ah bon, ben c'est la preuve qu'on s'est trompé, c'était pas le bon gars », puis ont continué à adorer la même chose. D'autres ont continué à vénérer Krishnamurti, même si lui ne voulait plus rien savoir, et cela le nuit un peu, et d'autres ont travaillé avec lui d'une façon plus logique ou plus intelligente. L'homme nouveau, que ça devienne un culte ou non, ça n'a aucune importance. Parce que le culte de l'homme nouveau ne pourra pas durer pour la simple raison que dans le culte de l'homme nouveau, dans le concept de l'homme nouveau, il y a trop de logique, trop d'écologie, trop de l'homme doit être son seul maître. Alors nécessairement, ça va devenir un culte, ça va devenir un petit culte. Je ne veux plus de cette émotion qui me contrôle. Pourquoi persiste-t-elle même si je ne la prévois pas dans une situation donnée? Elle s'empare de moi quand même et m'épuise. Et je ne la prévois en me contrôlant de mon mieux. Elle prend le dessus. Je n'en veux plus. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le mental de l'homme qui a accès au système neuronique d'une certaine partie de son cortex cérébral. Et il y a la partie astrale de l'homme, la partie émotive, la partie psychologique, la partie amique, la partie émotive, désir et mémoire, qui, elle, a accès à deux voies biologiques pour l'expression. La voie cartésienne, c'est-à-dire le phénomène du cortex, l'expression consciente, et la voie endocrinienne, la voie hypothalamienne, qui, elle, fait partie de l'expression inconsciente de notre âme. Étant donné que le mental est capable de découvrir une expression émotive, absolument délirante, absolument imbécile, le mental n'ayant pas encore, par manque de mutation cellulaire ou ADNique, n'ayant pas encore le contrôle du système hypothalamien qui est toujours réservé aux voies d'expression astrale, donc d'expression émotive, nécessairement il pourra dire « Bon, eh bien, je vais rencontrer telle personne, il faut que je sois correct. » Puis les mains transpirent, puis il rougit, puis le cœur s'accélère, puis il va dire « Mais voyons donc, merde, je suis tanné. » Oui, l'astral n'ayant pas été encore suffisamment programmé, surtout que l'homme, par sa parole, continue continuellement à prouver que l'astral peut s'exprimer et énergiser cette mémoire, lorsque l'humain aura oublié de transpirer, il ne transpirera plus. Mais tant que l'humain n'a pas oublié au niveau des mémoires inconscientes, celle-ci s'exprimant par la voie hypothalamienne, une partie du cerveau, qui dirige le système endocrinien et exocrinien, nécessairement l'émotion sera exprimée alors que la conscience mentale de l'individu dit « Merde, pas encore! » Comment on s'en débarrasse? En continuant à faire ce que l'on fait, Une parole ajustée aide à rechanger les structures programmatives de notre éducation. L'éducation provient d'un legs génétique, c'est-à-dire qu'il y a un legs matériel qui entraîne une forme réincarnationnelle de mémoire. Et c'est pourquoi on aura le caractère de notre grand-père ou de ceci ou de cela, parce qu'il y a un phénomène amique au niveau réincarnatif qui est génétique, d'une génétique supportée par la génétique du code nucléaire de nos cellules. Et l'humain doit reprogrammer ce phénomène-là, reprogrammer son éducation, reprogrammer sa morale, sa philosophie, par le biais de son mental, par le biais de la logifération. Et lentement, l'humain finit par développer au niveau mutatoire un cortex mental assujetti à un plan mental logistique qui sera capable de contrôler les voies hypothalamiennes pour que maintenant, l'humain n'ait plus cette expression. J'ai expliqué souvent que l'émotion était une défense que opposait le corps à un tétage d'énergie vitale opéré par l'âme, par l'ego. Chaque fois qu'on a une émotion, on meurt. Et c'est pourquoi une personne qui est malade, on lui dit, il ne faut pas qu'elle ait trop d'émotions. C'est sûr. Le cœur se met accéléré. Est-ce que tu manques de pression sanguine? Non, ça augmente ma pression. Voilà, le cœur réagit comme si tu manquais de pression. Tu vas blanchir. Oui, ben oui, voilà, il y a une vasoconstriction périphérique, comme si tu manquais de sang. As-tu une hémorragie? Non. Oui, vital. Il y aura des problèmes du cerveau, l'estomac, il y aura un paquet de problèmes. L'expression de l'émotion est toujours négative pour l'homme. La sensibilité, c'est autre chose. La sensibilité, l'humain en a besoin. L'émotion, c'est lorsque l'on observe la mémoire d'un sentiment. Le sentiment est mort, il reste rien que la mémoire, il faut qu'on se l'attribue dessus. Il y a énormément de personnes qui regardent une fleur et la fleur entre en communion avec eux. Il n'y a plus de fleur, plus d'observateur pendant l'instant d'un instant. Et par la suite, l'humain regarde la fleur et il dit « Maudit, qu'elle est belle! » Là, il ne regarde plus la fleur. Mais non. Là, il est en train de comparer mémoriellement la vision de la fleur qu'il a eue. Il ne regarde plus la fleur. Il a encore les yeux dessus, mais il ne regarde plus. Il compare la vision mémorielle de la fleur avec les autres fleurs qu'il a vues dans sa mémoire. Là, il dit « Maudit, qu'elle est belle! » parce que les autres n'étaient plus laides. Bon. Mais il ne vit plus. Et l'humain fonctionne comme ça. Il goûte un peu d'instantanéité pour mourir tout de suite. Alors, le phénomène mémoriel, la programmation change. Lorsque l'humain arrive, est muté. Comment on mute? Premièrement, on doit absolument... Tout ce que je dis peut être faux. La seule chose intéressante, c'est que lorsque le cerveau de l'homme est capable d'accepter des conditions neuves, il mute. Il entre en contact avec lui-même, sa propre intelligence. Il ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Vous ne pourrez pas tout comprendre si vous refusez d'en comprendre un petit peu. Un tout petit peu de neuf fait que vous tremblez. Bien, attendez pas de tout comprendre. Parce que tout comprendre nécessairement ne sera pas comme vous pensez. Vu que vous ne comprenez pas tout. Tout ce que vous avez là est temporaire. Les choux et les roses, là, sexuellement, c'est intéressant. Mais à un moment donné, faut comprendre un peu plus loin. Et celui qui fait le culte des roses et des choux, qui tout le matin va dedans, ou encore qui élève les cigognes, n'allez pas lui dire que ça n'a rien à voir. Il y aura de gros problèmes. Il risque de se renfermer dans ses choux et dans ses roses. Puis il risque de faire bien des choses. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain doit accepter le neuf. Acceptant le neuf, nécessairement, ce que je dis est neuf. Il y a beaucoup de choses que je dis qui est neuf. Et lorsque l'humain accepte le neuf, lorsque l'humain ne dit pas « Oui, non, ça, c'est bien niaiseux, où c'est qui prend ça? » Ça n'a rien à voir où c'est que je prends ça. C'est pas à cause que vous ne savez pas où c'est que je prends ça, que c'est débile, que c'est stupide, que ce n'est pas divin, que ce n'est pas yavik. Lorsque l'humain accepte les choses neuves, nécessairement, il entre en contact avec sa propre intelligence. Lorsqu'il entre en contact avec sa propre intelligence, il apprend à parler. L'humain devra commencer à développer sa grande gueule. Pas nécessairement une grande gueule comme moi, mais au moins une grande gueule. L'humain devra être capable de supporter ce qu'il dit. T'as-tu aimé ta soirée? Ah oui, toi, ah oui, pas en tout. Ah non, pourquoi? Ah ben, il y avait ça. Ah oui, t'as raison. Puis, 30 secondes après, celui qui avait aimé ça, il l'a pas aimé. Être capable au moins de se supporter un petit peu plus que ça. Et la première manière qu'on se supporte, c'est qu'on ne demande jamais à l'autre de son opinion. T'as-tu aimé à se guérir? Ça la regarde, ça. Et moi, j'aimais ça. Perte d'énergie, mon ami. Ouais, mais il faut partager. Non. Quand tu partages, tu te brûles. J'ai gagné à la loterie, je ne sais plus quoi faire avec. Partage, mon ami, partage. Faites bien vrai. plus de maudite scène, mais tu vas être gay. Alors, énergétiquement, j'ai de l'énergie, oui, mais ça te transforme. C'est du neuf. L'ego a de la misère à le supporter. Et la condition, ben, donne-la au monde astral. Parle, et faussement, puis partage. Émotivement, évidemment, tu partages jamais logiquement. Émotivement avec quelqu'un d'autre. Il trippera un peu avec toi. Et puis tu seras soulagé. Ouais. Tu auras perdu l'énergie que tu aurais dû digérer et assimiler. La mutation se fait comme ça, et finalement, le mental, il y a des mutations neuroniques qui font que l'humain sent de moins en moins la peur, sent de moins en moins la gêne, sent de moins en moins l'expression de certains contextes émotifs. Et il devient lentement son seul maître. Est-ce que l'univers existe dans la conscience de l'homme et tant qu'il y aura un humain, l'univers sera conscient? Tant qu'il y aura un humain, l'univers existera. Partout où il n'y a aucun observateur, il n'y a rien. On prend, et ça c'est une expérience astrophysique réelle, et après ça je vous expliquerai qu'est-ce que ça peut donner. D'ailleurs, les astrophysiciens présentement, il y en a un paquet qui sont shakés en dessous du lit, parce qu'ils voient bien qu'est-ce que ça veut dire. Alors on prend un atome, un électron, et on sait que l'électron a un spin, c'est-à-dire qu'il a une forme de rotation particulière. Il ne tourne pas dans tous les sens. Il y a une forme, il y a un axe, disons. Je simplifie un peu. Il a un axe. Alors, disons que notre électron tourne comme ça. On se place d'une certaine façon et on prend une photographie de l'électron par les traces qu'il laisse. Alors, je vais passer le phénomène de tous les phénomènes techniques. Et on se rend compte que, pris de ce point de vue, son spin est comme ça. Alors, on se dit, on va jouer un tour, on va le prendre d'en haut pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et quand on le prend d'en haut, on le voit encore comme ça. Alors on se dit, ma foi, l'électron change de position pour plaire à l'observateur. Il se présente toujours la même face. Alors on va jouer un tour, on prend deux photographies en même temps. On prend les deux photographies et on a encore la même face sur les deux photographies, ce qui est impossible. Alors on décide de faire certaines expériences et on se dit, je prends une feuille, je fais un trou dedans et puis on projette un électron. Et on prend une plaque photographique, par quel trou va-t-il passer l'électron? On met un trou. Va-t-il s'étamper dans la feuille ou traverser? Et l'électron traverse. Il passe par le trou et il aboutit dans la plaque photographique. Alors on se dit, on va envoyer un électron, on va faire trois trous. Lequel qu'il va prendre? Et on découvre qu'il passe par les trois trous. Le seul électron. Alors les savants maintenant savent de plus en plus, ils vibrent de plus en plus mal. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'astrophysiciens qui écrivent des livres. Inconsciemment, ils préparent l'humanité. Alors, présentement, dans le désert du Sahara, où il y a une plage où les vagues viennent se frapper sur le sable et où il n'y a personne pour écouter, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de sable. C'est simple. L'existence nécessite absolument un observateur conscient. Elle n'est pas existentielle. Vous fermez la porte de votre chambre et il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a pas la rue, il n'y a rien. Parce que l'humain l'ouvre et parce qu'il est conditionné, il est relié à une mémoire qui est disparue, celui qui a fait le plan, la construction, etc. Mais ces choses-là n'existent même pas. Et parce que l'humain entre dedans, l'humain étant l'observateur par excellence, nécessairement les choses se plaisent d'apparaître. Et ça, l'astrophysique se rapproche de plus en plus de cette thèse où elle pourra un jour dire « Chaque être humain vit sur une planète différente ». Et ils sont interreliés tellement intimement qu'ils se laissent chacun la place et ils ont l'impression de vivre sur une planète commune. Ils ont découvert, la science découvre de plus en plus qu'il y a énormément de choses qui n'existent que si on les observe et qui n'existent pas si on ne les observe pas. Alors, la création, c'est la même chose. Tant qu'il y aura un observateur, il y aura création. À l'instant où il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus de création. Il y reste quoi? Pas de temps, pas d'espace. Tout ce que l'humain conçoit dans l'illusion de sa perception n'existera plus parce qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qui va rester? Ah bien plus. Sauf que ça ne ressemble à rien de ce que nous avons. Et comme nous ne pouvons présentement considérer quelque chose d'existant qu'à partir de ce que nous avons mémoriellement conçu, inventer une nouvelle couleur. Pensez à une couleur qui n'existe pas, mais vous ne serez pas capable. Oh, mélange du bleu, du vert, OK. Mais si le jaune n'existerait pas, vous ne pourriez pas le penser. L'homme le conçoit, l'homme conçoit les couleurs à partir de ce qu'il a en mémoire. Alors, essayez de comprendre ce que pourrait être une couleur sans couleur. On ne le fait pas. Alors, ce sont des choses qui ne peuvent même pas se parler parce qu'elles n'ont ces choses c'est à l'extérieur de cette planète. Ça n'a pas de forme. Albert Einstein, le premier, a dit que si tu prends quelque chose, tu le lances en ligne droite en avant, s'il ne frappe aucun obstacle à la vitesse de la lumière, dans 4,5 milliards d'années, il va t'arriver derrière la tête. Et il n'aura jamais courbé, il aura toujours été en ligne droite. Et moi, j'ai rajouté que si tu prends un microscope, que tu observes une lamelle, et que tu grossis jusqu'à temps que tu vois les atomes, et que tu grossis jusqu'à temps que tu vois les particules subatomiques, et que tu grossis, tu vas voir comme un système solaire. Et si tu grossis vers un des trucs qui se promènent, tu vas voir une planète. Et si tu grossis, tu vas voir des maisons. Et si tu grossis, tu vas te voir, toi, en train d'observer dans ton microscope. Voilà. C'est drôle, là. Bon. C'est exactement ce qu'Albert Einstein a voulu dire. L'univers est fini, mais il n'a pas de limite. Et ce sont des choses intéressantes. Dans un verre d'eau ici, je contiens l'infini. On peut diviser ce verre en fractions sans jamais arriver à l'arrêter. Et dans un récipient fini, existe l'infini. Et cet univers, cette création, qu'est-ce qui va rester à la fin? Bien, il va rester des choses beaucoup plus grandes que l'homme peut concevoir pour la simple raison que présentement l'humain est obligé de concevoir à partir de ce qu'il connaît, ce qui le limite énormément. Comment concevoir un extraterrestre? Tous les dessins qu'on a faits, il y avait des gros yeux, il ressemblait à un crapaud, il ressemblait à des lézards. Hein, ça recule un peu. Pourquoi il ne ressemblait pas à quelque chose qu'on ne connaissait pas? On ne peut pas créer mémoriellement quelque chose de neuf. Et plus ça se raffine, bien, le lézard mélangé avec le crapaud finit par donner Yoda, la guerre des étoiles. Bon, et lentement, on s'amuse à travers ces constructions, et puis on finit par avoir des choses apparemment neuves qui proviennent de vos yeux. La semaine prochaine, les complexes, c'est-à-dire les concentrations de phénomènes qui empêchent l'humain de se lever debout. Les complexes, ça paraît bizarre. Ce n'est pas que psychologique, c'est hautement énergétique. Le complexe, c'est le dressage qu'oblige le monde de la mort dans l'homme pour que l'homme reste lié. Un complexe, tout le monde le sait, est une fausseté acceptée psychologiquement. Oui, mais j'ai un complexe d'infériorité. Ça prouve donc que tu n'es pas inférieur et que tu ne peux pas supporter ta supériorité. Le complexe de supériorité, c'est la même chose. Les complexes, en tout cas, si vous voyez ici, vous vivez avec du monde complexé, profitez-en. Mais on va en parler de façon explosive. Alors, prenez-vous pas au sérieux, amusez-vous comme des fous ou comme des folles. Merci beaucoup, Daniel. Raphaël Tailleur demain soir et mardi cette semaine, Lucien.